et la soulevait en se gonflant. Elle sentit qu'elle montait haut, plus haut, bien plus haut encore, et prouh, et paf, qu'elle tombait d'une hauteur qu'elle ne pouvait mesurer. Fin du chapitre 11 de l'histoire d'un casse-noisette, enregistré par Ezoie, en Belgique, en juillet 2013.